Rien ne plaît plus aux femmes que de s'entendre débiter ces douces paroles. La plus sévère dévote les écoute, même quand elle ne doit pas y répondre. Après avoir ainsi commencé, Rastignac défila son chapelet d'une voix coquettement sourde. Et Madame de Nucingen encouragea Eugène par des sourires, en regardant de temps en temps de Marsay, qui ne quittait pas la loge de la princesse Galathionne. Rastignac resta près de Madame Nucingen jusqu'au moment où son mari vint la chercher pour l'emmener. « Madame, lui dit Eugène, j'aurai le plaisir de vous aller voir avant le bal de la duchesse de Carigliano. »« Puisqu'il m'attame, fous en cache, dit le baron, épais alsacien dont la figure ronde annonçait une dangereuse finesse. « Vous êtes sire d'être bien récit. »